Thank you. pas le main, je sais pas ce que c'est. Là. Propose aux personnes. Là, par exemple, tu vois, tu mets des ailes. Thank you. Thank you. Bye.